On est au chapitre 4 ce matin. N'as-tu qu'ils se souviennent pourquoi Luc a écrit cette lettre à Théophile? Des faits? Oui. Pourquoi? C'est quoi le but de donner à cet homme-là des faits historiques? Il dit, je veux que tu sois, que tu aies la certitude que ce que tu as entendu était vrai. Donc, on entend beaucoup de choses, mais le temps nous prouve, nous montre que c'était pas vrai. Des fois, on entend des choses, et avec le temps, on entend d'autres choses, de quoi, c'était pas vrai. Merci. Et c'est un... Et Théophile avait entendu ça, on ne sait pas vraiment par qui, mais Luc veut le fortifier dans sa foi. Donc ça me dit à moi, François, si tu veux être certain, si tu veux fortifier ta foi, si tu veux avoir l'assurance que ce que tu crois est vrai, lis l'Évangile de Luc, ça va t'aider. Ça va t'aider. OK? On a vu dans les trois premiers chapitres les prophéties par lesquelles le Messie était pour s'en venir, était pour arriver. Et on a passé à peu près un an. Il est venu, Jean-Baptiste est venu au monde, Jésus est venu au monde. Et là, Jean-Baptiste a grandi et Jésus a grandi. Jean-Baptiste a commencé à baptiser 6 mois avant Jésus. 6 mois après, Jésus va se faire baptiser aussi par Jean-Baptiste. Ou à peu près six mois à un an après, il s'est fait baptiser par Jean. La semaine passée, on a vu ça ensemble. Que Jésus s'est fait baptiser par Jean. Et en étudiant cela, pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, en étudiant cela, on a pris comme titre Jésus humain à 100%. On a vu que son baptême a démontré qu'il était un être humain à 100%. On a vu différentes choses pour ça. Jésus est un homme parce qu'il s'est fait baptiser comme un homme. Le baptême de Jean était pour appeler les gens à la repentance. Il n'appelait pas d'autres choses que des êtres humains au baptême. Et Jésus se faisant baptiser, il s'identifie avec la race humaine. On nous dit ensemble, il n'y avait pas plus besoin de se faire baptiser qu'il avait besoin de mourir. Mais il était mort pour les êtres humains, donc il s'est fait baptiser aussi, en même temps, montrant qu'il appelle, il s'unit à la race humaine et va emmener la race humaine à la repentance. Et c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Parce qu'il s'est fait baptiser, il a uni la race humaine à lui. Et tous ceux qui se repentent de la même façon que Jésus se repentit. C'est lui qui est notre force qui nous a amené vers la repentance. On a vu ensemble, il était un être humain parce qu'il a prié. Pendant que Jésus se fait baptiser, il a prié. Donc, juste les êtres humains qui prient. Juste les créatures qui prient. Dieu ne prie pas. Jésus est un homme car il a besoin de Saint-Esprit. Le fait qu'il a reçu le Saint-Esprit démontre qu'il avait besoin de la force de Dieu pour agir. Il a besoin de l'Esprit de Dieu pour fonctionner. Obéir. Jésus va dire tout au long de son ministère, c'est par l'Esprit de Dieu que je parle, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces miracles-là, c'est par l'Esprit de Dieu que je... Jésus a toujours donné la gloire de tout ce qu'il faisait au fait qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Et ça devrait être moins dur pour nous autres de le faire, parce que si lui l'a fait, hein, nous autres on devrait le faire aussi, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on fait ce qu'on fait. C'est nous, ce matin, si nous sommes ici, ce n'est pas parce qu'on est plus spirituel que les autres chrétiens, c'est tout simplement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène. L'Esprit de Dieu nous pousse, nous crée en nous le vouloir et le faire. On a vu aussi qu'il était un être humain parce qu'il avait une descendance humaine. On a vu que Luc a dit, fils, comme il était coutume de croire, de Joseph, et là il a monté jusqu'à Adam et Ève, jusqu'à Dieu. Jésus était descendant de la race humaine. Donc, il était un humain dans ce sens-là. Et ce matin, on va en avoir un autre qui va compléter cette étude. Jésus est un homme à 100% ou un être humain à 100%, parce qu'on va voir ce matin qu'il va être tenté. Il va être tenté. Et il va faire face à la tentation comme un être humain fait. Il ne fera pas face à la tentation comme un Dieu pourrait faire, parce que la parole de Dieu nous dit qu'un Dieu ne peut pas être tenté. Hein? La Bible nous dit clairement que personne, lorsqu'il dit qu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne par le mal. Donc Dieu ne peut pas être tenté. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas être tenté? Puis, il n'y avait pas de mal en lui. Il n'y avait pas de mal en Adam et Ève aussi. Puis ils ont été tentés, puis ils ont tombé. Ouais, ça c'est une bonne réponse. Là, je ne peux pas dire le contraire. Quand nous, on est tenté pourquoi? Péché, oui, mais la tentation, qu'est-ce qui l'amorce? La convoitise! La convoitise! Dieu ne peut pas convoiter rien, car tout est à lui. Voilà la réponse. Logique. Logique. Trois fois, je dis logique le matin, fait que là, tu viens de te réveiller. Logique. La logique. Dieu ne peut pas convoiter quelque chose qu'il possède déjà. Nous, on possède rien en soi. Hein? Et là, nous, on convoite. Et quand on convoite, Adam et Ève ont convoité la place de Dieu dans le paradis. Ils ont convoité la place de Dieu. Il est tombé dans le péché. Et à partir de ce moment-là, l'homme, hein, vous comme moi, on est toujours en train de vouloir quelque chose que nous n'avons pas. C'est pour ça que le diable vient et nous tente et on plante. Les hindous disent, si tu ne désires rien, tu ne tomberas pas dans le péché. Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Si on ne désirait rien, on ne pourrait pas tomber. Satan ne pourrait pas nous dire, Non, je ne convoite rien. Pas besoin de rien. On ne pourrait pas tomber dans le péché. Et ici, le fait qu'on va voir ce matin que Satan vient tenter Jésus, c'est parce que Satan sait que Jésus est un être humain. À 100%. Pas pécheur. C'est pas grave qu'il ne soit pas pécheur. Adam et Ève n'étaient pas pécheurs. Ouais. Il est tombé. Et Jésus est un être humain parfait. Il ne va jamais tomber dans la tentation. La Bible nous dit ça. Il ne va jamais tomber dans la tentation. Il ne va jamais succomber, je veux dire, à la succombe. Il va être tenté, mais il ne va jamais succomber dans la tentation. Si nous, dans cette année qui s'en vient, on pourrait ne pas convoiter rien, on pourrait dire à Satan, fais la grimace à Satan toute l'année, qu'on ne ferait pas tomber. Quand vous tombez dans le péché, quand nous tombons, parce que je fais partie du groupe, quand nous tombons, arrêtons-nous et nous demandons-nous, qu'est-ce que je suis en train de convoiter là? Ça va venir des belles réponses. Qu'est-ce que je convoite là, quand je compte demander? Qu'est-ce que je convoite quand je tombe dans la malhonnêteté? Qu'est-ce que je suis en train de convoiter là? Et vous n'allez pas mal trouver la réponse. Bien, oh, je suis en train de convoiter ceci, je suis en train de convoiter cela, je suis en train de convoiter ceci. Et Satan est venu, il m'a tenté et j'ai tombé. J'ai tombé. Dieu ne peut pas être tenté. Donc, si Jésus est tenté, c'est parce qu'il est un être humain. Mais ce qu'on va voir ce matin, ce qu'il va faire face à la tentation, de la même façon que nous qui sommes croyants, on doit faire face à la tentation. De la même manière. Donc, il n'a pas dit à Satan, « Hey, je suis Dieu, monsieur. » Puis claquer des doigts, fait disparaître Satan. Il n'a pas agi comme Dieu. Il a agi comme un homme agit dans la tentation. Donc, ça nous montre qu'il était un être humain. Et on a besoin de ça. Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de savoir que Jésus est un être humain? Pourquoi c'est si important pour nous de savoir qu'il est un être humain à 100%? peux nous comprendre. Oui. Mais une autre chose. Oui, ça, tu peux nous comprendre, compassion. Compassion, il peut nous comprendre, comme nous. Il ne pourra pas nous sauver. Il ne pourra pas nous sauver si ce n'est pas un être humain. C'est un être humain qui devait mourir. C'est un être humain qui devait mourir pour sauver la race humaine. S'il n'était pas un humain à 100%, il ne pouvait pas sauver les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, qui ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils nient que Jésus est un être humain. Et dans l'Épître de Jean, il dit, il y en a qui nient que Jésus s'est fait chair. Ils nient ça. Et Jean, il dit, ils appellent des antéchrists. Parce qu'ils nient que Jésus est venu en chair. Et toute l'épître de Jean, si vous voulez bien la comprendre, vous devez vous regarder en tête que Jean écrit à des gens qui étaient dans l'Église, qui ne croyaient pas que Jésus était un être humain à 100%. Si on ne comprend pas ça, on parle de travers d'interprétation. Première chose qu'il va faire, Jésus va, pour faire face à la tentation comme un être humain, il doit, au verset 1, chapitre 4, Jésus étant rempli du Saint-Esprit. Depuis quand est-ce que Jésus est rempli du Saint-Esprit? Les quelques versets avant nous disent qu'il vient juste d'être baptisé. Et quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il est venu habiter dans la personne de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas conduit avant par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès la sein maternel. Dès qu'il était conçu dans le sein maternel, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que 6 mois après quand Marie est arrivée, l'enfant a su, d'une façon quelconque, qu'il y avait quelqu'un qui était à l'autre bord, que c'était Marie, et que son Seigneur était à l'intérieur du ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui dit ça à Jean. Vous êtes mieux fait des échographies pour savoir, vous autres. N'essayez pas de faire ça, par le Saint-Esprit, de savoir quel enfant vous allez avoir. Vous êtes mieux avec l'échographie. Mais ici, il faut comprendre que Jésus, il va être emmené dans une situation de tentation, mais il est rempli d'esprit. S'il n'était pas rempli de l'esprit, Jésus aurait tombé. Il est tombé. Le seul outil ou instrument que nous avons besoin pour faire face à la tentation, c'est être rempli d'esprit. Si vous avez, pas entendu l'enseignement que j'ai fait là-dessus, vous pouvez la demander à Sharon, elle va vous la donner, être rempli d'esprit. On est rempli de l'esprit le jour où est-ce qu'on est baptisé de l'esprit, et on est rempli une fois pour tout jour. On n'est pas rempli pour rempli, rempli pour rempli, rempli pour rempli. On n'est pas comme ça, on n'est pas des yo-yo. Mais cet esprit, c'est une personne, il remplit le cœur de l'être humain quand il vient là, et il reste toujours là. Il ne part jamais avec là. Jésus le dit dans Jean 14, il va habiter en vous éternellement. Il n'y a pas de condition pour qu'il reste, qu'il parte. Il est venu dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, le jour de salut, puis il va rester là. Et Jésus l'a reçu. Et là, il est rempli de la présence de Dieu. Il est rempli par Dieu. Donc, cet Esprit Saint-là qui l'a rempli, c'est avec ça qu'il va faire face aussi à la tentation qui vient. Mais le deuxième pas aussi, c'est qu'il va dire, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et c'est la plupart de nous, ce qu'on a de la misère avec, c'est que c'est l'Esprit Saint qui emmène Jésus au désert pour être tenté. Dans les autres passages, dans les autres évangile, c'est marqué, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui amène Jésus dans cette situation-là difficile. Ça nous fait un peu bizarre, des fois, quand on dit dans notre Père, on dit quoi? Ne nous soumets pas à la tentation. Et il y en a qui voient une contradiction aussi. Comment est-ce que on demande à Dieu de ne pas nous soumettre dans la tentation? Et ici, c'est lui qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Il faut faire une différence, là. Il l'a amené au désert pour être tenté, mais la tentation au mal ne va pas venir de Dieu. Elle va venir du diable, hein? Être tenté par le diable. Conduit par, poussé par, motivé par, il l'amène au désert. Un être humain dans le désert, habituellement, il va se mettre à convoiter, parce que dans le désert, il n'y a rien. Et il va commencer à convoiter des paquets de choses dans le désert. Hein? Si ce matin, je vous enlevais tout ce que vous possédez par une situation quelconque, en tant qu'être humain, pécheur, vous commenceriez à convoiter tout de suite un paquet d'affaires. Vous voudriez avoir un paquet de choses que vous n'avez plus. Et Dieu l'amène dans un désert. Et tout de suite, dans notre tête désert, nous dit situation pas facile. Hein? S'il l'a ramené dans un château, s'il l'a ramené au West End, s'il l'a ramené dans des belles places de même, là, où tout est fourni, tout est gratos, tout est vraiment moelleux, avec les spa, les massages, là. Et on a dit, oh, ben là. Il ne convoite pas rien, il a déjà tout. Mais il l'amène au désert. C'est pas Jésus qui a décidé d'aller au désert. C'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. Jésus, s'il avait été un être humain pécheur, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire non. Juste là, il aurait pu dire non. Je ne vais pas là. Tu ne m'amèneras pas là. C'est trop difficile. C'est trop dur. Voyons, donc, m'amener dans une telle situation. Hey, c'est certainement pas Dieu qui m'amène là. Dieu, lui, va me bénir. Quand il me bénit, il me met dans des situations faciles, favorables. Des bénédictions, comme on appelle nous autres. Dieu, lui, quand il nous fait quelque chose, il nous bénit. Il ne peut pas nous emmener dans le désert. C'est impossible. Mais pourtant, il a amené Jésus au désert. Et je suis pas mal convaincu qu'il va nous emmener aussi en 2007. Parce qu'il nous a emmenés en 2006 aussi. Il va nous emmener dans le désert à bien différentes reprises. Pas pour nous faire du mal. Oh non. Mais il va nous emmener au désert. Et on va y être tenté par le diable. Mais il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, dans le désert. Vous vous souvenez quand il dit à Pierre, « Pierre, le diable vous a réclamé pour vous brasser, pour vous fouetter, pour vous... comme on frappait dans le fromage, c'était du blé, une sorte de blé, et on prenait un bâton, puis on fessait dessus, bang, bang, pour séparer le grain de la paille. Il dit, « Satan a réclamé de vous, bang. » Il dit, j'ai permis. Mais il dit, je vais prier pour toi, Pierre. Afin que ta foi ne défaille point. Je vais être avec toi. C'est ce que ça veut dire. Je vais être avec toi là-dedans. J'ai permis. Mais il dit, je vais être avec toi dans cette situation-là. Et ce que Jésus fait ici, la différence que nous, on peut faire souvent, c'est qu'il s'est soumis à ce que Dieu voulait dans sa vie. Il s'est soumis à ce qui se passe dans sa vie. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Jésus va y aller et il l'accepte volontairement comme venant de son Père, venant de Dieu. Tu permets, Seigneur, cette situation-là facile ou tu permets cette situation-là difficile? Moi, je vous dis bien franchement, Il y a ce que nous, des fois, on appelle bénédiction. C'est souvent là qu'on plante, plus que les moments, ce qu'on appelle ça malédiction. Ce que nous, on appelle bénédiction, c'est pas à cause que c'est une bénédiction que nous, on appelle ça qu'on tombe pas. La plupart du temps, je me souviens toujours un vieux pasteur qui, au début de la vie chrétienne, il dit, Marc-là, François, les chrétiens plantent après une belle bénédiction de Dieu. Plantent souvent. Dans les temps du désert, on a tendance à aller vers Dieu. On a tendance à s'accrocher à Dieu plus, parce qu'on sent un besoin. Mais si Dieu nous emmène dans le désert, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Seigneur, la situation n'est pas facile. Chez nous, par terre, au travail, à l'école, par tout ce qu'on va être, c'est pas facile. Mais je ne suis pas là par hasard. Dieu a amené là Jésus pour un but bénéfique. Satan va l'utiliser pour un but maléfique. J'ai déjà dit que le mot dans l'original, dans la langue grecque, le mot tentation, c'est le même mot que le mot épreuve. Dans le grec, c'est le même mot. On pourrait marquer pour être éprouvé. C'est la même chose. Le mot éprouvé, le mot tenté, c'est la même chose. C'est le même mot dans le grec, il n'y a pas de différence. Et d'un bord, du côté de Dieu, c'est une épreuve. L'autre bord, du côté de Satan, c'est une tentation. Un veut te faire tomber, te détruire. L'autre veut te faire grandir, te fortifier. Mais c'est la même situation. Toutes les situations de notre vie peuvent devenir une tentation ou une épreuve. Mais quand Dieu nous y conduit, il faut s'y soumettre. Le tentateur ici n'est pas Dieu, mais pour être tenté par le diable. Son nom, il est appelé dans la Bible le tentateur. Donc c'est celui qui tente avec le mal pour le mal. Dieu tente pour le bien. Dieu ne veut jamais qu'on fasse le mal. Il ne veut jamais. Il ne va jamais nous tenter par le mal. Mais il nous éprouve. C'est pas mal d'avoir amené Jésus dans le désert. C'était pas mal, ça. C'est pas un péché de l'avoir amené au désert. Mais Jésus va faire face à cette tentation-là. Jésus a été rempli de son esprit et il est conduit par l'esprit. Souvent, nous, on peut être dans des moments difficiles de notre vie, des difficultés de notre vie. On peut être dans des déserts, mais c'est juste notre faute. On n'a pas été conduit là des fois par Dieu. Il ne faut pas mélanger les deux. Et souvent, les chrétiens, on a de la misère à savoir comment ça, je suis dans cette situation-là. Hier, il y avait un programme, il y a des jours, j'ai regardé. C'est une femme qui aide des gens dans des situations très difficiles financièrement. Ils font appel à elle pour sortir de leurs difficultés. Et au début, quand la femme arrive et qu'elle commence à leur dire pourquoi ils sont dans ces situations-là? Et mon ami, c'était les voix réagir, les cheveux de sa tête presque. Parce qu'elle leur dit quoi? C'est votre faute. C'est votre faute. Vous souffrez, vous êtes dans la misère, vous avez des difficultés avec vos enfants, vous avez des difficultés avec vos finances, la banque est après vous autres, mais c'est de votre faute. Puis tant qu'ils veulent pas, quand ils disent pas oui, elle les aide pas. Et souvent, dans nos situations difficiles, c'est souvent causé par notre péché. On a péché, on fait des péchés qui sont souvent accumulés, et là, on est dans une situation difficile à cause de ça. Et là, on appelle ça une épreuve. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est un jugement. Ça, c'est une conséquence de nos péchés. C'est pas une épreuve. Jésus s'est dépendu au désert à cause de ses péchés. Hein? On sait ça. Donc ça, c'est une épreuve. Il va être tenté dans ce moment-là. Mais il n'est pas dans cette situation-là à cause de son péché. Il est dans cette situation-là parce que Dieu le veut, là. Dieu le veut, là. Et des fois, quand on est dans une situation difficile, il faut s'arrêter et demander, « Seigneur, c'est-tu toi qui m'as emmené, là, ou c'est mes péchés qui m'ont emmené, là? » Si c'est mes péchés qui m'ont emmené, là, ben, je dois reconnaître que c'est ma faute, hein? C'est mes péchés, et d'accepter les conséquences. Mais la troisième chose qu'il va faire, donc, il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit, et il va être maintenant, il va réagir avec le Saint-Esprit. Le diable va venir pour le tenter, et il va trois fois, il va utiliser l'Esprit de Dieu pour s'en sortir. Il va utiliser la vérité. Le tentateur va venir vous tenter avec le mensonge. Vous avez une convoitise, j'ai une convoitise, dans ce sens, et là, le tentateur va venir et va vouloir, par le mensonge, m'emmener à vouloir sortir de la situation de la façon que Dieu ne veut pas. Prendre un moyen détourné pour m'en sortir. Ça peut être le péché qui m'a emmené là, et des fois, je vais être tenté de prendre un autre péché pour m'en sortir. Le péché m'a amené à faire quelque chose, et là, je suis dans une situation difficile, et là, j'ai envie de continuer de mentir pour m'en sortir. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste se caler un peu plus. Il va y avoir d'autres conséquences à cause de ça. Mais Jésus, ce qu'il va faire, c'est dire, l'être humain, pour s'en sortir face au mensonge du tentateur, ce qu'on va voir, alors Jésus va, dans la première tentation, c'est au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Le diable lui dit, au verset 2, « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et ne mangea rien durant ces jours-là, et après, il fut écoulé une petite convoitise, une petite creux. » Quoi? Il avait faim. Il avait faim. Tout d'un coup, il est dans une situation, là, il désire de quoi? J'ai faim. Je dis, mais c'est bien normal après 40 jours. Mais il a faim. C'est bizarre, hein? Satan a attendu jusqu'à ce moment-là. Là, il vient. Il attend à ce que Jésus a besoin de quelque chose. Il veut de quoi? Il dit, OK, t'as faim. Et là, il vient pour lui dire, tu vas pouvoir régler ton question de faim avec un autre moyen que Dieu va donner, d'une autre manière que Dieu voudrait. Et là, c'est là que Satan vient, c'est dans ce moment-là qu'il vient pour nous dire, hey, tu peux régler ton problème de la faim. Mais d'une autre manière. Il dit, t'es le fils de Dieu. T'es le fils de Dieu. Il dit, hey, prends des roches, là, puis un petit pain, un petit gâteau, un petit morphine. Je ne sais pas ce que vous voulez avoir, un petit Timorton, je ne sais pas ce que vous aimez, mais un petit quelque chose. Une petite Québécoise, hein, la Québécoise, des œufs, des saucisses, c'est pas ça qui aime ça. Il y a toutes sortes de. Une pizza, une petite pizza avec des frites. C'est bon. C'est pas mal d'avoir faim. C'est normal d'avoir faim. Mais comment tu vas t'y prendre, c'est une histoire? Voler, tricher, mentir? Oh. Ici, il dit, prends un moyen qui n'est pas ce que Dieu voudrait que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu va répondre? Il est écrit. Au verset 4, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme, et le mot le plus important, là, c'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est le mot homme. Jésus s'est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il s'est inclus dans ça. Je suis un homme, je suis un être humain. Et l'homme ne vit pas seulement que de pain. Le restant du verset, c'est une toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus dit à Satan, c'est vrai que j'ai faim, et c'est légitime que j'ai faim. Mais il y a d'autres choses, le plus important. Il dit, c'est Dieu qui m'a emmené dans la situation ici, c'est Dieu qui m'a privé pendant ces 40 jours-là, c'est Dieu qui m'a conduit ici, et c'est Dieu qui va me dire quand en finir. C'est Dieu qui va me conduire hors de cela. C'est Dieu qui va dire, c'est fini. Si l'Esprit Saint me conduit ici, c'est l'Esprit Saint qui va m'en sortir. C'est l'Esprit de Dieu qui va conduire cela. Donc, il dit, oui, c'est vrai que j'ai faim, oui, c'est légitime que je veux manger, mais je ne peux pas prendre un moyen qui va contre la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a emmené ici. Mais que Dieu me fasse signe que c'est fini, ça va être fini. D'autres passages nous disent que les anges sont venus et l'ont nourri. Jésus, je vais attendre. Dieu m'a amené ici, Dieu va m'en sortir. Nous autres, quand Dieu nous amène des fois dans l'épreuve, dans la difficulté, ça ne fait pas 2 secondes. Seigneur, fait que ça arrête. pas capable d'attendre ou de se soumettre ou d'accepter ce que Dieu envoie. Seigneur, enlève ça! C'est tout ce qu'on veut. Seigneur, enlève ça tout de suite, Seigneur! Le Seigneur dit, ben non, je viens de t'emmener, là. Pour Jésus, ça a duré 40 jours, ici. On ne voit pas Jésus prier pour que ça arrête. Il sait très bien que Dieu sait quand ça va arrêter, puis il va l'arrêter quand ça va être prêt. Il va l'arrêter quand ça va être prêt. Pour nous autres, c'est pas facile, hein? C'est pas toujours facile, hein? En tout cas, c'est pas facile pour moi. Quand Dieu nous amène dans une situation d'une épreuve, d'une tentation qui est là, un moment difficile de notre vie, d'accepter que ça soit comme ça. Oui, Seigneur, tu veux ça comme ça, je l'accepte comme ça. Tu l'as emmené dans ma vie, tu l'enlèveras dans ma vie. David avait bien réagi avec ça quand Saül est arrivé dans sa vie. Saül a été une plaie pour David. Ça a été une plaie pour David. Pendant 13 ans de sa vie, Saül était sur son dos et tout ce qu'il voulait faire, c'est de couper le cou. Et David a dû fuir sa maison, fuir sa famille, fuir son pays, manger la misère, faire passer pour un fou, pour fuir Saül. Mais il a dit, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'enlèvera. Il y a une belle réaction. Il faut accepter ça. On n'est pas au contrôle, nous autres. On n'est pas au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Et pouvons-nous accepter ça? Ou si, des fois, à travers la prière, on essaie de contrôler Dieu. Je suis bien content qu'on n'ait pas le pouvoir de contrôler notre vie, parce que ce sera un vrai fiasco. La preuve, avant d'être sauvé, c'est un vrai fiasco. C'est pour ça qu'on demande, Seigneur, sauve-moi! Sauve-moi de cette misérable vie que j'ai! Donc, ne prenons pas le contrôle. Laissons-y le contrôle, parce qu'il sait ce qu'il fait, lui. Être conduit par l'Esprit. On n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit de nous conduire. Il va nous conduire. C'est son rôle. Il va nous conduire. Nous, notre rôle, c'est d'accepter de se soumettre. D'accepter de se soumettre. Une autre tentation qui est venue, verset 5 à 8. On va lire ça ensemble, si vous voyez bien. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'être humain, il convoite dans un domaine de la mangeur, de la nourriture. Hein? Ça, c'est une manière. Mais une autre chose que l'être humain convoite, il est nommé ici, c'est quoi? Hein? Des fois, je me suis demandé, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce gars-là? Il est multimillionnaire. Pourquoi est-ce qu'il s'en va en politique? Il pourrait faire une vie tranquille, plein d'argent avec sa femme, ses enfants. Pourquoi faire une belle petite vie tranquille? Il ne dépensera jamais tout l'argent qu'il a. Pourquoi est-ce qu'il se lance en politique? Le pouvoir. La gloire humaine. Tout ce qu'on pourrait faire pour ça, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut faire pour la gloire et la puissance et le pouvoir. Et Jésus ici était un être humain. Satan, il vient puis le tente. Parce qu'il a réussi avec tous les autres. Tous les autres êtres humains qui ont passé sur la terre avant Jésus, Satan avait réussi à les faire tomber. Soit par la faim, dans ce domaine-là, du corps, et par la gloire ou la puissance. Et il a toujours réussi. Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il dit? J'ai bâti Babylone. Dieu dit, non, c'est moi qui l'ai bâti. L'être humain veut de la gloire. On en veut tous, à différents niveaux. Si vous avez 5 piastres, vous allez en vouloir pour 5 piastres. Si vous avez 5 millions, vous allez en vouloir pour 5 millions. Ça ne fait pas de différence, vous savez. Vouloir se glorifier avec 5 millions ou avec 5 cents, ça ne change absolument rien pour Dieu. On veut de la gloire. On en veut dans nos maisons, on en veut dans nos couples, on en veut avec nos enfants, on en veut avec, dans nos églises, on en veut partout de la gloire. On en veut de la gloire. On veut de l'approbation, on veut que les gens nous applaudissent, on veut que les gens nous voient. On en veut de ça. C'est pour ça qu'on tombe. Et beaucoup de gens dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Évangile de Jean, ils vont dire, voulant être glorifiés par les hommes, hein, ils n'ont pas avoué qu'ils croyaient en Jésus. Et Jésus va leur dire un peu plus loin, si vous cherchez la gloire qui vient de Dieu seul, je pourrais vous sauver, mais vous cherchez la gloire qui vient des hommes et je ne peux rien faire pour vous. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Ce n'est pas juste les rois, ce n'est pas juste les gouvernements, c'est tout être humain. Homme ou femme, on veut de la gloire. On veut, des fois on appelle ça en psychologie, des crises d'autorité. Dans un couple, dans une famille avec les enfants, c'est qui a l'autorité dans cette maison-là? Ici? Des fois c'est le chien. Des fois c'est le chien qui a l'autorité. Je dis dans la société, les psychologues, les sociologues disent que dans la maison, qui a l'autorité dans la maison présentement? À part les chiens, là. Les enfants. Les enfants. Ensuite, la femme. Ensuite, le mari. On a complètement inversé ça des années 40, parce que c'était l'homme, la femme et les enfants. On a complètement inversé le bateau. Pas mieux, pas pire, pas mieux. On veut tous de l'autorité. Qui va gagner? Vous avez une dispute avec quelqu'un, pourquoi ça grimpe? Pourquoi ça monte, là? On vient roux. On veut gagner. C'est une crise d'autorité. Qui est, va conduire? Qui va ramener ce plan? Et Jésus ici répond, mais il dit, je vais tout te le donner, mais une petite condition. C'est que tu m'adores. Fais juste une petite génuflexion. Juste une petite. Pardon? Une petite seconde, juste une petite génuflexion de rien du tout. Puis je te donne. Tous les royaumes de la terre, toute l'autorité, toute la puissance qu'il y a dans le monde, je te la donne. Ah, tout le monde s'assine à savoir comment ça que Satan dit ça, qu'il l'a. Bon, tout le monde s'assine un peu là-dessus, on n'est pas sûr. C'est tout. Il y en a qui disent, oui, c'était le domaine de Satan, parce qu'on voit dans l'Apocalypse, on voit que, comme Michael, il dit que la terre, c'est son domaine. Il semble que les archanges ont certains domaines, en tout cas, c'est pas clair. D'autres disent non, il a l'autorité parce que nous, les êtres humains, ça nous avait été donné à nous de gérer, de dominer le monde. Et en obéissant à Satan, on lui a transmis notre autorité. C'est pas tout le monde. Mais Satan ici, il dit qu'il l'a. Jésus ne dit pas qu'il l'a pas. Il ne dit pas qu'il l'a pas. Il ne dit pas, tu ne peux pas me donner, tu ne l'as pas. Ça aurait été une façon de répondre, hein? S'il ne l'avait pas, il aurait pu dire ça. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas me donner. Mais il semble présupposer qu'il l'a. Mais Satan lui dit, Jésus lui dit, excusez, non. La génuflexion, si vous voulez dire, c'est le mot dans le grec proskuneo qui veut dire se mettre la face contre terre. Et chez les Juifs, mettre la face contre terre, tu faisais ça juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Tu veux, je ne vais pas me prosterner devant toi. Parce que la Bible me dit, on se prosterne juste devant Dieu. Qui a emmené cette vérité-là dans le cœur de Jésus? Le Saint-Esprit. Qui avait emmené l'autre avant? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ça que je veux dire, qu'il fait face au mensonge par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va chercher les vérités dans le cœur et les applique à la situation. C'est pour ça que David il dit, je mets ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon rôle en tant qu'être humain, c'est d'emmagasiner la parole de Dieu. L'emmagasiner. La mettre en conserve. Le mot dans l'hébreu, c'est la mettre en conserve. Je le mets là. J'empile les données, les vérités. Je les mets là dans mon cœur. J'accumule les vérités. Et quand c'est là, le Saint-Esprit, quand une situation vient, un mensonge vient de la part de Satan, le Saint-Esprit va prendre une vérité et va dire, ah, non, c'est ça la vérité. Mais si cette vérité-là n'est pas là dans mon cœur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'esprit. Oui. L'épée de l'esprit, C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, il ne me la rentre pas dans la tête de force. Il faut que ce soit moi qui l'accumule. Soit en la lisant, soit en la chantant, soit en l'écoutant, soit en la mémorisant. Il y a des milliers de façons de le faire. Mais il faut que je l'accumule, la vérité. Et plus j'en ai de la vérité en dedans de mon cœur, que j'ai appris à travers les années, c'est plus qu'on dit à nos enfants d'apprendre, hein? Apprends à compter, apprends à écrire, apprends à lire, apprends. Quand tu vas être adulte, il va arriver des situations où tu vas avoir besoin. Ah! Une chance que j'ai appris à compter. Voilà. Ah! Une chance que j'ai appris ça. Ah. J'ai appris des choses dans les situations. Ça peut être 10 ans que je m'en serve. Hein? Ça peut être 10 ans sans que je me serve de ça. Mais tout d'un coup, il y a une situation qui se présente. J'ai entendu quelque chose de mon père, de ma mère, de peu importe en arrière, de mon professeur. Et là, tout d'un coup, j'utilise. J'ai appris l'anglais quand j'avais 19 ans. Puis j'ai dit, mon but c'était de faire de l'argent, mais ce que je voulais appris pour faire. J'ai appris l'anglais à cause de ça. Et je suis revenu au Québec, j'étais allé me faire engager par une compagnie qui est aux États-Unis partout. Je dis, ah, bon, je parle anglais, je vais m'engager. Ils m'ont engagé, effectivement. J'ai parlé anglais à peu près 2 minutes par jour. 2 minutes par semaine. Un client de temps en temps appelait, parlait anglais. Quelques temps après, je suis devenu chrétien. 10 ans plus tard, je suis devenu chrétien. Et tous les professeurs parlaient. Tous les livres étaient en anglais. J'ai parlé en anglais. Ça m'a été utile. J'avais appris quelque chose. Je l'ai utilisé juste 10 ans plus tard. On apprend de la vérité. On apprend la vérité. On apprend la vérité. On apprend la vérité. Quand ils sont utiles, cet esprit vient et dit, « Hey, ça, c'est pas une vérité. C'est un mensonge. La vérité, c'est ça. » Si on veut résister au malin, il faut avoir la vérité avec le Saint-Esprit. La vérité tout seul, ça ne marche pas. C'est la vérité avec le Saint-Esprit qui marche. Les deux font ensemble. Le Saint-Esprit tout seul, ça ne fonctionne pas. La vérité tout seul, ça ne fonctionne pas. Vous avez entendu la vérité, le Saint-Esprit est venu, il a fait comprendre, vous avez été sauvé. Mais le Saint-Esprit tout seul ne peut pas vous sauver. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Vous la lisiez ou l'entendiez d'une façon quelconque. Et là, la vérité vient, le Saint-Esprit l'utilise et vous sauve. Et ça continue même toute notre vie. La vérité vient, le Saint-Esprit l'utilise et il nous délivre, il nous fortifie, il nous rend plus sages, plus intelligents, spirituellement parlant. Et troisième, en terminant, verset 9, le diable, c'est toujours le même qui tente, le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Qu'est-ce qu'il tentait de dire ici? Satan ici, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est dangereux. Satan cite les Écritures. Ça, c'est dangereux. Là, c'est marqué dans la Bible. Comment de fois j'ai entendu ça dans ma vie? Comment de fois je l'ai dit pour moi-même? C'est marqué dans la Bible, ça, le Seigneur l'a dit. C'est marqué dans la Bible. Puis là, à cause que ça, on pense ça, c'est correct. On l'a interprété hors contexte, tout de travers, mais c'est marqué dans la Bible. Satan, s'il va prendre un petit bout de la Bible, il va dire, regarde Jésus, c'est marqué qu'il va te protéger, que si tu tombes, ils vont envoyer ses anges te garder. C'est marqué dans l'Ancien Testament. Mais avec un autre contexte que ça. Jésus, Satan l'applique mal ici, puis il dit à Satan, à Jésus, t'es sur le temple, là, on ne sait pas si c'est en esprit ou si c'est en vérité, tout le monde s'assume encore une fois. Mais le point de vue, c'est que Satan, il met Jésus en haut, puis il dit, saute en bas. Dieu va les prendre par les anges, le temple, les tranquilles, ça n'a pas de problème. Jésus dit, non, monsieur, la Bible dit, tu ne fais jamais ça avec Dieu. Tu ne fais jamais ça avec Dieu. Jamais. Tu te lances pas dans la tête baissée, dans une folie, puis ensuite tu dis à Dieu, sors-moi-en. Non? Ça, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. On se lance dans le péché. Puis après qu'on a péché, qu'on a toutes sortes de conséquences qui arrivent, on dit, Seigneur, s'il vous plaît, sors-moi-en. J'ai déjà dit dans une réunion prière une fois, la plupart de nos prières, on demande à Dieu de réparer les pots qu'on a cassés. Dans la plupart de nos prières, on demande à Dieu de réparer les pots qu'on a cassés. Et ça fonctionne comme ça. Il peut le faire. Mais il n'est pas obligé de le faire. Et Dieu il dit, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. C'est, quand j'ai lu les livres sur ces passages-là, il y a un homme qui a donné une histoire. C'est comme le gars il dit, qui rentre dans un bordel ou dans une place que des femmes nues. Il dit, c'est pas grave si je rentre, je vais demander à Dieu de m'aider quand je vais être à l'intérieur. Attention, hein? Attention, faut faire attention. Attention. Il ne faut pas que tu te lances dans le péché, puis après ça, dire Seigneur, aide-moi à en sortir. Il faut faire attention à ça. Et c'est le même principe c'est que dans 1 Corinthiens 10, où il dit que toute tentation ne survient pas, en tout cas sans que Dieu va pouvoir au moins s'en sortir. Dans le contexte, c'est que les Corinthiens se lançaient dans le péché, allaient directement dans les temples d'idoles, faisaient des choses qui n'étaient pas. C'est difficile. Et si vous vous mettez dans des situations de péché, il ne faut pas penser que Dieu va vous en sortir comme ça. Si c'est Dieu qui vous emmène dans une situation au désert, il va pouvoir un moyen d'en sortir. Mais si vous-même vous vous mettez dans le désert, ça se peut bien que Dieu vous laisse là pour que vous appreniez que ce n'est pas la bonne place à être. Il dit, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Ne fais pas quelque chose qui est contre la pensée de Dieu, qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre le bon sens, la logique. Et demandez à Dieu de t'en sortir quand ça va aller mal. Jésus dit, ne ferai pas ça. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Parce qu'il dit, c'est mal de faire cela. Mais encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui va chercher ça dans le cœur de Jésus. Parce que Jésus, depuis qu'il est tout jeune, il a appris toutes les Écritures. Il va chercher dans le cœur de Jésus une écriture. Parce que Jésus, vous savez, il n'est pas venu au monde avec la Bible dans la tête. Il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il l'apprenne. Comme tous les jeunes juifs faisaient dans son temps. Mais à cause qu'il avait accumulé ces vérités-là, là, le Saint-Esprit va chercher une vérité et dire, je n'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est de tenter Dieu. C'est de tenter Dieu. Pour nous autres, Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a jamais été tombé. C'est un être humain, il était tenté. Il dit que Satan s'est éloigné de lui, puis il va revenir à un autre moment donné. Je pense qu'il l'a tenté pendant toute sa vie, en grande partie, mais il y a certains passages qui sont reflétés dans Luc. Et un autre qu'on va voir plus loin, c'est quand il va être le soir avant qu'il meure à la croix, Satan va revenir pour le tenter encore une fois, pour qu'il n'aille pas à la croix. Mais la Bible nous dit partout que Jésus n'a pas péché. Dans toutes les tentations qui étaient soumises, il n'a jamais péché. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. On parle de Jésus. Il n'a point commis de péché. C'est quoi notre solution contre le péché ou contre la tentation qui va venir? On va arrêter de convoiter. Êtes-vous capable? Tant que vous allez rester humain dans la chair, vous allez des convoitises dans votre cœur. On ne peut pas. Seigneur, je veux dire, je vais prier ça. Ah, oh, que je vais prier ça. Seigneur, fais que je ne convoite plus. Seigneur, fais que je ne convoite plus. Seigneur, fais que je ne convoite plus. Seigneur, fais. Ah, oh, j'ai déjà demandé ça souvent. Le même matin, je me levais. On convoite encore. Et il n'enlèvera pas la convoitise. Ah, mais là. Mais dans la convoitise, viens, je dois y faire face avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Ma seule solution, c'est la vérité. Saint-Esprit. Et puis, je n'ai pas de contrôle sur Saint-Esprit. Je n'en avais pas non plus. Mais j'ai un contrôle sur l'apprentissage des vérités. C'est ce contrôle-là. C'est le seul que j'ai. Et je crois que dans l'année qui vient, il faut tranquillement prendre une décision pour chacun de nous. Dire, il faut que j'accumule les vérités. Il faut que j'accumule les vérités dans mon cœur. Il faut que je les revise, les rappelle, les mettre là tranquillement, les accumuler. Plus je vais en avoir, plus Saint-Esprit va en avoir à utiliser pour m'aider à faire face aux situations. Ça, c'est votre rôle. Et Saint-Esprit, lui, jouera bien son rôle. Je ne me pose pas de questions s'il va jouer son rôle. Il joue toujours son rôle. Qu'est-ce qu'il peut nous aider à le faire? Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie que tu nous as donné tout ce qu'on avait besoin pour faire face à la tentation. Seigneur, tu veux nous conduire dans des situations pas faciles dans l'année qui s'en vient. Nous te demandons la grâce de se soumettre volontairement, de se soumettre heureusement, joyeusement, avec confiance, avec foi, que tu ne veux pas nous détruire, mais tu veux notre bien. Et Seigneur, on te demande que tu puisses créer en nous le vouloir et le faire, d'accumuler les vérités de la parole de Dieu. Car sans cette parole, sans ces vérités, on ne peut pas rien faire. Seigneur, il y a bien des moyens de le faire. Chacun peut trouver le moyen qui lui convient le mieux. Donne-nous la grâce de le faire. Afin de donner à l'Esprit Saint que tu as mis dans nos cœurs son épée. Son épée. Donne-nous aussi assez d'humilité que quand on ne sait pas et qu'on doute et qu'on n'est pas certain, d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre qui a plus de connaissances. De lire un livre sur le sujet qui pourrait nous aider à voir ce que toi tu veux, Seigneur. Afin de dire non. Afin de dire non. Donne-nous de marcher jour après jour, une victoire à la fois. Et donne-nous la grâce de te donner toute la louange, toute l'honneur qui t'est dû. Au nom de Jésus. Amen.